violence, nuance, aucun débat. D'après toi, le nombre de sans-emploi équivaut au nombre d'immigrés à expulser, à balayer, mais où a-t-on tout mis? La France et ses libertés ou même l'égalité, surtout la fraternité. Bannir les droits de l'homme, c'est comme croquer la pomme que l'homme a créée. En somme, en bref, tu déconnes, des milliers de gens t'assomment. Tes paroles, c'est ce qu'ils consomment, mais moi, d'escroquerie, je te soupçonne. L'œil est une lampe, l'enseignement une lumière, et mon devoir est de sauver de plus en plus de frères. J'entends des cris et des pleurs. L'extrême droite en France prend de l'ampleur. J'entends des cris et des pleurs. L'extrême droite en France prend de l'ampleur. De bras aux bornes, l'extrême droite en France depuis 1900 n'a pas arrêté ses manigances. Dès que un CP est élu à une mairie, les droits de ses habitants sont directement réduits. Ils commencent par censurer certains écrivains et finissent par échelonner les droits selon les personnes et soudain j'accuse. Car je refuse qu'on s'amuse avec une politique infuse ou du pouvoir qu'on en abuse. L'âme d'un soldat ne périt jamais. Mon exemple c'est Bob Marley. Stopper mon ascension, c'est comme essayer d'arrêter un volcan en pleine éruption. Yeah yeah 1, yeah yeah 3. Contre le désordre ou le vandalisme, on devient donc adepte de l'extrême droite, on sait pas.